pas me coucher. J'irai pas à votre école. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. Bonjour et bienvenue dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste en direct sur Radio Audio tous les premiers mercredis du mois à 17h. L'armée, pourquoi faire ? L'armée est au service des riches. Dans les casernes, elle embrigade, apprend à tuer, à respecter la hiérarchie, à obéir à n'importe quel ordre. Elle fait du soldat un pantin pour l'intégrer dans une société où il n'aura que le droit de se taire. Dans le pays, elle brise les grèves. Éboueurs, musées, RATP, elle est prête à intervenir en cas de révolte populaire. Elle exproprie pour agrandir ses camps où elle entraîne à tuer. L'armée est le premier propriétaire foncier de France. À l'extérieur, elle aide les dirigeants bourgeois des pays sous-développés à mater les tentatives de libération des peuples. Elle expérimente les armes que la France revend principalement aux dictatures fascistes. L'État français, troisième marchand de canons du monde, enrichit les fabricants et les trafiquants, renforce les régimes d'oppression. L'armée tue pour mieux servir les riches. Nous refusons de collaborer avec les marchands d'armes, les patrons, les forces de répression et tout système basé sur la discipline et l'obéissance. Alors ce tract, il date de 1973 et je l'ai trouvé dans un livre qui s'appelle « Résister à la militarisation, le groupe d'action et de résistance à la militarisation, Lyon, 1967-1984 ». Et je suis avec Guy qui a écrit qui a participé à l'élaboration de ce bouquin. Alors, bonjour, Guy. Attends, on t'entend pas. Maintenant, on va t'entendre. Allô ? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Guy. Alors, du coup, je t'ai invité aujourd'hui pour, entre autres, parler de ce bouquin qui s'appelle « Résister à la militarisation » et pour aussi parler du groupe d'action et de résistance à la militarisation qui a sévi sur Lyon entre les années 1967 et 1984. Oui. Alors, on a prévu ensemble de parler, dans un premier temps, de la chronologie du service militaire depuis les ordonnances de 59, où De Gaulle remet le militaire au cœur du renouveau de l'État, confiant à l'armée non seulement des fonctions d'entraînement de l'économie, les exportations d'armes, mais aussi, avec des gros guillemets, d'éducation populaire et d'intégration sociale. Alors là, on est dans le contexte de la guerre d'Algérie, pendant lequel on compte, malgré les longues peines de prison, 10 381 insoumis, 886 déserteurs et 420 objecteurs de conscience. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ces trois termes, du coup ? Oui, un insoumis, c'est un soldat qui a été appelé et qui n'a pas obéi à l'ordre de mobilisation. Un déserteur a répondu à l'ordre de mobilisation, a participé un temps au service militaire, puis ensuite l'a abandonné. Voilà, donc ça c'est deux catégories. Donc ce qui les distingue, donc c'est qu'on a commencé ou non le service militaire. D'accord. Par ailleurs, il y a les objecteurs de conscience. Alors les objecteurs de conscience, comme le nom conscience l'indique, ce sont des gens qui en conscience refusent de participer au service militaire. Alors cette conscience peut être une conscience religieuse, philosophique ou politique. Donc les objecteurs de conscience, on refuse la participation à l'armée. Et ils ont obtenu en 1963 un statut qui permettait d'effectuer un service civil en remplacement du service militaire. Mais donc, alors avant 1963, qu'est-ce qu'il advenait de ces personnes-là qui étaient soit insoumises, soit déserteuses, soit objectrices de conscience ? Bien, donc les trois étaient réprimés, que ce soit les insoumis, les déserteurs ou les objecteurs de conscience, ils étaient tous réprimés, donc ils se retrouvaient en prison, bien entendu. Et donc, par exemple, de 52 à 62, il y a eu 470 objecteurs qui ont été emprisonnés. C'était à ce moment-là 80% de témoins de Jéhovah. Ok, d'accord. Donc il y avait donc c'était plutôt par conviction religieuse. Oui, pour la plupart effectivement, mais par la suite il y a eu davantage de motivation politique et petit à petit donc au cours de développement de l'objection de conscience, les prises de position politique sont devenues majoritaires. D'accord. Donc en 63 il y a eu un statut qui a été arraché par la lutte aussi, j'imagine. Enfin, j'avais oui, lu oui, la biographie de Louis Lecoin, par exemple. Oui, donc Louis Lecoin, c'est un anarchiste qui a créé un comité de secours aux objecteurs de conscience. Donc, il était soutenu notamment par Albert Camus, André Breton, Jean Giono, l'abbé Pierre, Georges Brassens, Yves Montand, Simone Signoret, Jean Cocteau et bien d'autres. Donc, ce comité a défendu les objecteurs de conscience, a obtenu des promesses de la part du gouvernement, enfin en particulier de Gaulle, mais sans résultat réel. Et en 62, Louis Lecoin, alors qu'il était déjà assez âgé, a fait une grève de la faim de 52 jours, donc ce qui a permis l'obtention, quand même après un certain délai, donc l'obtention du statut. Donc c'est en décembre 63 que le statut a été voté. Du coup, qu'enfin peuvent sortir de prison les personnes qui avaient refusé de porter des armes, entre autres. Oui, mais alors, ce statut... Oui, pardon. Oui, oui, donc effectivement, c'est bien ça. Donc, par contre, les témoins de Jéhovah n'étaient pas demandeurs d'un statut. Et donc, ils ont préféré rester en prison. Par contre, donc tous ceux qui n'étaient pas témoins de Jéhovah ont pu quitter la prison et commencer en 1964 un service à la protection civile. D'accord, mais alors ce service et ce statut d'objecteur n'a pas plu à tout le monde. Alors est-ce que tu peux en expliquer les raisons ? Oui, absolument. La protection civile, en fait, n'a de civil que le nom, puisqu'elle est le pendant de la dissuasion nucléaire. Le pendant civil de la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de donner des coups, il faut encore éviter les coups des adversaires. Et donc, c'est la protection civile qui, dans une certaine mesure, est susceptible de remédier aux inconvénients d'une guerre. Et donc, les objecteurs de conscience, assez rapidement, n'ont pas voulu collaborer avec la protection civile. Tu évoquais tout à l'heure donc l'ordonnance de janvier 59, donc qui a été prise par le général de Gaulle, cette ordonnance ne distinguait plus le temps de paix du temps de guerre. Donc on considère à partir de ce moment-là que la défense est un état permanent, mmh. et que n'importe qui peut être réquisitionné sous les ordres des militaires, que ce soit les hommes ou les femmes et les civils, donc sous la même autorité. Et ça, en cas de menace. Alors la menace n'étant pas définie clairement, donc ça peut être une révolte sociale ou n'importe quoi, une guerre, un conflit quelconque. Et c'est pour cela que certains objecteurs qui s'étaient mis en grève ont pu être jugés par des tribunaux militaires et non pas des tribunaux civils, alors que eux étaient civils. Ouais. Et donc il y a eu donc un mouvement d'opposition qui s'est développé parmi les objecteurs de conscience, qui donc ils se sont mis en grève. Et donc à partir de ce moment-là, il y a eu un conflit qui s'est engagé. D'accord. Et bon, certains objecteurs ont été emprisonnés. Et donc il y a eu un mouvement de soutien, donc de nouveau, qui s'est développé pour obtenir leur libération. D'accord. On parlera de ces mouvements de soutien dans la deuxième partie de notre découpage. Oui. Alors là, on était en 1963, au moment où le statut d'objecteur est promulgué. Oui. On va faire un bond. Ah bah alors, vu que tu parlais de la réquisition, effectivement, on peut le voir page 28 et 29 du livre « Résister à la militarisation », là où effectivement tout non-militaire, homme ou femme de 18 à 50 ans, peut être mobilisé selon sa profession en tout temps et en toutes circonstances pour le maintien des activités essentielles de la nation. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais faisons un bond de 10 ans plus tard, on arrive en 1973 où Debré supprime le sursis aux étudiants. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, Debré, donc c'est Michel Debré, hein, qui est à ce moment-là ministre de la Défense. Et donc, il a souhaité supprimer le sursis, en particulier aux étudiants. Donc, les étudiants bénéficiaient d'un report pour poursuivre leurs études, et comme Michel Debré estimait que plus on est jeune, moins on est susceptible de refuser le service militaire ou de s'y opposer d'une manière quelconque, il souhaitait que dès 20 ans, tout jeune soit affecté au service militaire. Ce qui a déclenché là également de grandes manifestations dans tout le pays. Il y a énormément de villes qui ont protesté. Qui sont mobilisées, ouais. Mmh. Et beaucoup de manifestations. Et donc le GARM dont on parlait tout à l'heure, le groupe d'action de résistance à la militarisation, était partie prenante de ces manifestations. Et donc l'opposition a été vraiment très ferme, vraiment très nombreuse. D'accord. Et alors, du coup, là aussi, c'était un contexte qui visibilisait. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que la question que je me pose et qu'on se pose à plusieurs actuellement, c'est aussi qu'est-ce qui fait que l'antimilitarisme est moins visible de nos jours, quoi. Et du coup, c'est en fait ce découpage, il me permet de répondre en partie aux choses, quoi. Quand il va y avoir une loi qui va, par exemple, supprimer le sursis aux étudiants, mais il y a pas mal de mouvements d'opposition contre ça. Et si on saute encore 10 ans, on arrive à 1983 où on nous parle dans le livre du protocole Ernu-Savary. Et oui. D'une certaine militarisation de l'éducation. Oui, donc Charles Ernu était ministre de la Défense Et Savary était ministre de l'Éducation. Et donc, ils ont conclu ensemble un protocole visant à rassembler les deux ministères, donc Défense et Éducation, de telle sorte qu'il puisse y avoir une collaboration pour militariser en quelque sorte l'enseignement. Dans l'éducation nationale, dès très tôt, on peut voir qu'il y a une collusion entre l'armée et l'éducation nationale, quoi. Oui, donc et là une fois de plus, donc il y a eu une forte opposition qui s'est déclenchée, en particulier parmi les enseignants, mais également dans tout le mouvement antimilitariste, évidemment. Et oui, alors du coup, on peut pas s'empêcher de faire le lien avec le SNU aujourd'hui, le Service National Universel, où on voit aussi une mobilisation dans les syndicats d'enseignants, mais mais peut-être pas autant que justement. Alors dans le bouquin, on parle du collectif des objectrices et objecteurs tarnais, le COT, qui ont édité un bulletin. Alors moi, je suis tombé sur le bulletin Ramassis d'infos sur la militarisation de l'enseignement, le numéro 3, dans lequel effectivement on peut voir des photos de manifestations. Alors là, j'étais à quelle page? Voilà, par exemple, là, à Rodez, les lycéens dans la rue, nous ne voulons pas d'armée à l'école. Donc, il y avait à la fois les enseignants, les lycéens. On voit plein de photos de banderoles, ou là encore un autre article de presse dans Le Courrier de l'Ouest en 83, des enseignants contre l'accord Charles Hernu en Alain Savary, ou dans Le Dauphiné libéré en mai 83, près de 1000 signatures recueillies par le comité anti-symbiose armée-éducation. Tout ça avec un recueil de tracts et d'articles qui montrent cette collusion entre l'école et l'armée. Et malheureusement, c'est encore d'actualité aujourd'hui quand on pense aux classes défense dont on avait parlé dans une émission précédente, quand on pense au Service National Universel. Je sais pas, toi, Oui, bien sûr, le Service National Universel, est-ce qu'il sera effectivement obligatoire ou pas, pour le moment, on n'en sait rien, mais le projet, tel qu'il est actuellement, c'est de faire des séjours, donc, sous une forme plus ou moins militarisée, pour des classes qui seraient volontaires. Donc ça, c'est le projet tel qu'il est actuellement. Est-ce qu'il va évoluer pour devenir obligatoire ou pas? C'est pas clair. Mmh. Et donc, il y aurait un séjour de quelques jours pour ces classes volontaires qui seraient vraiment une sorte de reproduction du service militaire allégé, disons, c'est-à-dire qu'il y aurait le lever de drapeau. Le lever de drapeau, la Marseillaise, les uniformes, l'encadrement qui serait pour une bonne part militaire. Avec bon. les brimades dont on a entendu parler déjà dans les éditions précédentes. Oui, effectivement, il y en a eu. Bon, évidemment, c'est pas ça qu'on va annoncer. Mais bon, c'est toujours à craindre, évidemment. Puisque, bon, les militaires ne perdent pas leurs bonnes habitudes. Et oui. Alors, et oui, du coup, l'embrigadement, la soumission. Donc, c'était il y a 50 ans, et bon, la situation de l'armée n'est plus la même. Hein. Actuellement, il n'y a plus de bruit de grève par l'armée. Disons que les droits de l'homme sont quand même un petit peu plus respectés actuellement qu'ils ne l'étaient il y a 50 ans. Oui. Par contre, ce qui reste vrai, c'est que la France reste le troisième vendeur d'armes au monde, après les États-Unis et la Russie, et qu'on continue à vendre des armes à qui en veut, quel que soit le régime démocratique politique, ou non. Ouais. Bon, mais sur certains autres points, il faudrait réécrire le tract pour qu'il soit quand même plus à jour. Ben, il faudrait trouver d'autres ou les mêmes antimilitaristes pour le faire, peut-être. Ben, il faudrait les trouver. Enfin, ben, ils existent encore, mais ils sont peut-être très, très vieux maintenant. Mais il y en a encore. Et bon, le combat n'a pas fini. Il y a quand même des gens qui continuent à le mener. Eh ben oui, on va en parler un peu dans la suite. Alors là, pour l'instant, on était dans la chronologie du service militaire. Et on arrive en 1997 où Chirac, alors j'avais écrit « supprime le service militaire », en fait, il le suspend. C'est-à-dire oui, il est suspendu, donc c'est-à-dire qu'il est susceptible d'être réactivé à la demande, hein, à la demande du gouvernement. Bon, pour le moment, c'est pas dans l'air, mais oui. C'est toujours une menace susceptible d'être réactivée. D'accord. Mais bon, cette suppression fait ce que, comme tu l'as suggéré tout à l'heure, qu'il y a beaucoup moins d'antimilitaristes. Parce que lorsque le service militaire était obligatoire, les jeunes étaient obligés de se poser la question, est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas, au service militaire. Et donc, on devait s'interroger sur la question. Maintenant, ben, ça ne fait plus partie des préoccupations des jeunes telles que c'était à l'époque dont je parlais tout à l'heure. Oui, dans une autre émission, tu disais même que c'était quasiment une des premières questions politiques qui devait se poser avant même peut-être de savoir pour qui ils allaient voter ou pas. Quoi. C'était... Oui, parce que le droit de vote a été baissé à 18 ans sous Giscard d'Estaing. Donc, mais auparavant, on était majeur à 21 ans. Donc, avant le service militaire, on n'était pas majeur. Et donc, c'était vraiment le premier acte politique que l'on devait poser. Accepter ou non d'aller à l'armée. Et oui. Et du coup, c'est vrai que ça pourrait expliquer pourquoi on se pose plus la question. Et donc, du coup, pourquoi on n'étudie pas le système militaire et le militarisme lorsqu'on a 20 ans, quoi. Puisque du coup, on n'a plus besoin de se poser la question. Ben oui, c'est ça. Donc, bon, mais évidemment, moi, je ne regrette pas le service militaire, loin de là. Mais c'est vrai que ça a un petit peu distrait l'attention des jeunes en particulier. D'accord. Et du coup, alors tu m'avais suggéré une chanson. Est-ce que tu veux que je la passe maintenant avant de passer au deuxième volet? Alors le deuxième volet qu'on s'était proposé de défricher, c'était les différents modes d'action du GARM, donc du groupe d'action et de résistance à la militarisation, les différentes volontés et plus largement des antimilitaristes. Est-ce qu'on passe la chanson, ça te va si on passe la chanson maintenant? Oui, mais très bien, allons-y. Tu peux nous en parler de cette chanson? Oui, donc c'est une chanson qui est bien connue en France puisque c'est Le Déserteur de Boris Vian, mais la chanson que tu vas diffuser est en relation avec l'actualité brûlante puisque c'est une traduction en russe de cette chanson. D'accord, alors une traduction du déserteur en russe, on va l'écouter tout de suite. Hop. Товарищ президент, пишу я вам письмо, и если будет время, прочтете вы его. В повестке прочитал, что к следующей субботе обязан быть на фронте, сегодня я узнал. Товарищ президент, не стану воевать, не для того рожден я, чтоб людей убивать. Сказать имею вам, не чтобы вас рассердить, а просто, чтоб вы знали, я не пойду служить. Пока я был в плену, лишился я всего, и в плену. вину. С утра закрою дверь, забуду эти годы, пойду бродить, как зверь я, по тропам через броды. По всей стране огромной, по миру я пойду, с Тагила до Ершова, и людям я скажу: война не ваша это, скажите нет войне. Организуйте травлю, наускайте жандармов, скажите вашим службам стрелять вам безоружно. Et voilà, on est de retour sur Radio Dio 89.5. Il est 17h26 et c'est l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste. Et on vient d'écouter Darya Nelson qui nous chantait une chanson traduite en russe de Boris Vian, le déserteur, vous avez sûrement reconnu. Et cette chanson nous a été suggérée par Guy, avec qui on est à l'antenne, au téléphone, et avec qui on parlait du livre « Résister à la militarisation, le groupe d'action et de résistance à la militarisation » à Lyon entre 1967 et 1984. Et ben alors on a juste avant la chanson on parlait du contexte un peu historique de la militarisation du service militaire, le contexte depuis les années 59. Et pour une deuxième partie maintenant on peut parler des modes d'action du groupe d'action et de résistance à la militarisation, un groupe qui du coup, comme le titre du livre le dit, était actif entre 1967 jusqu'à 1984 et il a même continué après. On en parlera avec Guy. Est-ce que tu m'entends ? Oui, très bien. Alors, du coup, on pourrait parler. Donc, le livre regorge d'anecdotes et de comptes rendus. Ah tiens, j'ai oublié de dire que pour écrire ce livre. Il y avait eu pas mal de comptes rendus de la part des renseignements généraux qui avaient l'air d'être très à l'écoute de ce que pouvaient faire les antimilitaristes en général et le groupe d'action et de résistance à la militarisation en particulier, non ? Oui, en effet, on a pu consulter dans les archives des renseignements généraux des rapports qui démontrent que nous étions écoutés. Aussi bien téléphone que sans doute dans nos réunions, il y avait sans doute quelques taupes qui fréquentaient nos réunions, et puis ils avaient également connaissance de certains courriers qui étaient adressés à des membres. Et donc une surveillance assez étroite qui vous a permis, qui vous a aidé en tout cas à retrouver les archives. Pas uniquement, mais c'est assez drôle aussi de voir à la lecture du livre de voir les rapports des différents des renseignements généraux par rapport aux actions que vous meniez. Alors ces actions, le GARM, qu'est-ce qu'il faisait comme type d'action ? Alors au départ, le GARM a été créé autour d'un groupe de personnes qui ont décidé de renvoyer leur livret militaire pour protester contre les armements nucléaires. Alors, renvoyer son livret militaire, ça veut dire quoi ? Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque où les gens faisaient le service militaire, ils recevaient un document qui s'appelait le livret militaire et qu'ils devaient conserver pour pouvoir éventuellement être convoqués pour des rappels. Pour être mobilisés à nouveau. Voilà, pour être remobilisé, il devait donc avoir, il devait conserver ses papiers. Et donc un groupe de personnes qui étaient opposées aux armements nucléaires ont renvoyé au ministère leur livret militaire en disant qu'ils refusaient de participer à l'armée dorénavant. Donc ça, c'était quand même quelques années après le début du service civil. Mais on n'avait pas la possibilité de se déclarer objecteur de conscience après d'avoir effectué un service militaire. Donc c'est pour ça qu'une manière de protester, c'était de renvoyer son livret militaire. C'est une façon de dire que c'est pas en notre nom que vous allez faire vos essais nucléaires et j'ai pas envie d'être mobilisé. Absolument, oui, c'est donc bien cette intention-là qui motivait les gens. Et donc ça, renvoyer son livret militaire, on peut le faire, c'est pas dans l'anonymat, mais on peut le faire de façon privée. Et j'imagine que là, les renvois étaient publics, quoi. Oui, bien entendu. L'intérêt de renvoyer le livret militaire, en particulier en groupe, c'est de le faire savoir, parce que c'est une protestation qui doit être publique. Sinon, c'est pas. Enfin bon, sans doute que des gens l'ont fait de manière anonyme, mais à titre personnel, ouais. Oui, à titre personnel, mais l'intérêt, c'est d'attirer l'attention sur l'opposition qu'on veut exprimer. Et donc, c'était bien le cas en l'occurrence à ce moment-là. Et donc il y a un groupe qui s'est constitué pour défendre ces renvoyeurs de livrets militaires. Et puis ensuite, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des objecteurs de conscience qui se sont mis en grève pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. D'accord. Et donc le groupe s'est élargi au soutien à ces objecteurs de conscience qui étaient emprisonnés. Et petit à petit, ben, d'autres thèmes se sont ajoutés, donc toujours à propos de l'objection de conscience, pour soutenir les insoumis, pour soutenir les déserteurs, pour s'opposer aux ventes d'armes, pour protester contre l'armement nucléaire de manière générale. Alors, comment on fait pour soutenir les insoumis, des déserteurs ou des renvoyeurs de livrets militaires? Comment on fait pour les soutenir? Quels ont été les moyens d'action, les types d'action que le GARM a fait? Donc, il y a eu beaucoup de manifestations. Je prends par exemple le cas de François Jeannin et Jean-Michel Fayard, qui avaient demandé le statut d'objecteur de conscience, mais à qui on l'a refusé, parce que l'obtention n'était pas automatique. Donc, ils ont été refusés. Parce qu'on ne pouvait pas le refuser pour des motivations qui étaient politiques, c'est ça? On pouvait le refuser pour des motivations philosophiques? Oui, la loi prévoyait effectivement ne prévoyait pas l'objection politique. Donc, si on formulait en termes politiques, on avait de très fortes chances d'être refusé, encore que parfois on arrivait quand même à l'obtenir de manière un peu imprévue. Oui, il y a des exemples un peu absurdes. Où il y a beaucoup d'absurdités, de contradictions dans les décisions de la commission juridictionnelle, parce qu'il fallait formuler sa demande auprès d'une commission juridictionnelle qui attribuait de manière plus ou moins arbitraire le statut ou qui le refusait. Et alors comment on était au courant de l'existence d'un statut d'ailleurs? Eh bien, c'était pas évident parce qu'un article de la loi prévoyait qu'on n'avait pas le droit de diffuser le statut dans le seul but d'éviter l'armée. Donc on avait le droit de poser un acte de conscience pour dire qu'on ne voulait pas participer à l'armée pour des raisons de conscience, mais pas simplement pour dire moi j'ai pas envie d'aller perdre mon temps à l'armée. Quoi. C'était Donc la publicité pour le statut était interdite. Et d'ailleurs, il y a eu des procès pour des personnes qui ont diffusé le statut. Dans le livre, on voit une photo d'une banderole avec écrit « Vous avez le droit ». Alors, je ne sais plus la page, mais je sais plus. Il y a écrit « Le statut d'objecteur existe » ou quelque chose comme ça, non? Oui, absolument. Donc, on diffusait le statut d'objecteur de conscience en précisant bien que c'était illégal. Donc c'est quand même une contradiction, puisqu'on est tous citoyens censés connaître la loi, mais la loi interdit de diffuser le statut. Donc c'était une absurdité en soi. Et donc, il y a ce groupe-là qui essayait de visibiliser à la fois le fait qu'on pouvait refuser le statut, mais aussi qui soutenait les personnes qui étaient insoumises ou les personnes qui désertaient. Oui, oui. Donc. Et comment on fait pour soutenir ces personnes? Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de manifestations. Le groupe d'action de résistance à la militarisation s'était un petit peu spécialisé dans les actions spectaculaires. Et par exemple, une manifestation s'est déroulée sur le Rhône, à Lyon, au risque d'ailleurs de se noyer parce qu'il y a eu des chaloupes qui ont chaviré. Voilà. Mais bon, on a fait des manifestations devant les tribunaux militaires. Il y a des banderoles qui étaient déployées à différents endroits un peu incongrues, de manière à ce que ce soit spectaculaire. Et visible, ouais. Voilà. J'ai lu aussi qu'il y avait du tractage devant les casernes aussi qui avait été fait. Oui, donc de manière à inciter les futurs conscrits à obtenir le statut d'objecteur de conscience, puisque c'est, donc les casernes devant lesquelles les tracts étaient distribués, c'était des casernes dans lesquelles les jeunes allaient faire ce qu'on appelait à l'époque les 3 jours, c'est-à-dire que c'était 3 jours de préparation à l'armée dans lesquels on passait des tests de différentes natures et dans lesquels on essayait de déterminer quel était le corps militaire qui convenait le mieux aux soldats. Donc, la distribution se faisait devant ce centre de sélection. Mais ça c'est pas une atteinte au moral de l'armée de faire ça, d'aller. Oui, bien sûr. Là également, il y a eu des procès pour le motif que tu viens de dire, donc atteinte au moral de l'armée, que ce soit par tract ou par d'autres méthodes. Oui, parce que le groupe d'action de résistance à la militarisation et les antimilitaristes de manière assez générale ont été victimes de nombreux procès. Et alors, on peut voir justement que donc les procès pouvaient aussi, donc comme tu disais, le groupe invitait les gens à aller au tribunaux des procès des personnes insoumises. Donc le procès est une forme aussi de tribune politique à l'époque, peut-être. Oui, bien sûr. Oui, dans les procès, bon, les antimilitaristes se réclamaient clairement d'une opposition à l'armée et profitaient du procès pour exprimer leurs opinions et espéraient que la presse allait reprendre leurs arguments, ce qui était assez souvent le cas. D'accord. Donc ça permettait aussi de visibiliser les actions. J'ai lu aussi qu'en termes d'action, il y a eu des occupations, notamment une occupation d'un consulat, il me semble. Alors. Oui. Alors donc ça c'était pendant la guerre du Vietnam. Oui. Les militants du GARM ont occupé le consulat américain à Lyon. D'accord. Et ont accroché à la place du drapeau américain sur la façade un drapeau nazi. Donc pour exprimer donc le danger que représentaient les bombardements américains sur les barrages au Vietnam, donc qui risquaient de l'exterminer les riverains des rivières en question. Donc, ça, c'était une manifestation spectaculaire, parce que le GARM était coutumier de ce genre de coups de force, non violents, mais coups de force quand même, pour exprimer ses opinions. Et donc, la guerre au Vietnam était bien souvent au menu de nos manifestations. Il y avait eu un autre coup de force aussi qui a été condamné au titre de violation de domicile. Et ce coup de force, c'était une intrusion dans une prison pour Ben pourquoi est-ce que tu t'en rappelles? Oui, alors c'était un insoumis qui était dans la nature depuis longtemps et qui étant illégal, on ne peut pas trouver facilement du travail, on risque sans cesse de se faire arrêter, donc il a décidé de se faire arrêter volontairement. Et plutôt que d'aller simplement se présenter à un commissariat ou à une gendarmerie, eh bien, avec la complicité de quelques militants du GARM, ils se sont introduits à l'intérieur de la prison Montluc à Lyon. Donc ils ont utilisé un stratagème avec des échelles, etc., pour franchir les murs d'enceinte. Et donc ils sont atterris à l'intérieur de la prison. Ils avaient l'intention de déployer des banderoles au cours de la promenade des prisonniers. Bon, malheureusement, l'alerte a été donnée, donc ils n'ont pas pu réaliser leur projet intégralement. Ils se sont fait arrêter avant, alors? Alors qu'ils se sont fait arrêter avant. Et ils ont été condamnés donc pour intrusion dans une propriété privée. Ce qui est assez cocasse, oui. Quand on sait qu'il s'agit d'une prison. Et oui, bah alors du coup des condamnations, il y en a eu plein. Il y a eu aussi des condamnations d'une loi, je crois 1881, de délit de presse, quoi. C'est-à-dire que le GARM a été condamné pour des tracts, donc pour porter atteinte au moral de l'armée, par exemple, mais aussi l'imprimeur, ce qui était assez révoltant et nouveau. Assez nouveau. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc effectivement, il y avait eu des tracts qui ont été distribués, notamment à propos de la soumission, parce qu'il y avait un groupe très actif à ce moment-là qui était lié au GARM. Et donc c'était le groupe d'insoumission totale? Oui, il y avait ce groupe, mais il y en avait un autre. Donc c'était des insoumis qui venaient de Paris, ceux-là, okay. Alors que le groupe d'insoumission totale était au départ uniquement lyonnais. Mais donc il y a eu des distributions de tracts qui ont donc valu un procès pour différentes raisons, donc incitation à la soumission, à la désertion, à l'obtention illégale du statut des objecteurs de conscience, démoralisation des troupes, etc., etc. Enfin, il y a eu plusieurs motifs. Et donc, le plus grave, effectivement, c'était que pour la première fois, un imprimeur risquait d'être condamné pour sa participation donc à l'impression des tracts en question. Ce que nous avons fait, c'est que dans un journal qui s'appelait La Lettre des Objecteurs, nous avons republié l'ensemble des tracts incriminés. Oui. Et donc au cours du procès, il y a eu des témoignages nombreux. Notamment par exemple de l'éditeur François Maspero et d'autres personnes qui ont protesté donc contre l'inculpation de cet imprimeur. Du coup, pour se constituer complice en quelque sorte des premiers prévenus, quoi. Pas complice, mais bon, ils étaient solidaires. Bon, oui. Ils n'étaient pas complices parce qu'ils n'avaient pas participé à l'action, mais ils se déclaraient solidaires et surtout révoltés du procédé. D'accord. Alors, est-ce qu'on a... Ah si, moi je voulais te demander si tu faisais une différence entre antimilitarisme et pacifisme. Oui, bien sûr, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, évidemment, ça a beaucoup de points communs. Mais bon, on peut être antimilitariste sans être pacifiste et réciproquement. D'accord. Ouais, ouais. En fait, l'antimilitarisme, c'est plus vaste que le pacifisme. Le pacifisme, c'est souhaiter la paix. Mm-hmm. Mais bon, est-ce que la paix, c'est-à-dire l'arrêt des combats est satisfaisant dans tous les cas. Si cette paix est basée sur une injustice, ce n'est pas acceptable. Par contre, l'antimilitarisme, lui, va défendre l'opposition à toute forme de militarisme, pour des raisons variées. Ça peut éventuellement inclure le pacifisme, mais c'est plus vaste parce que ça s'oppose aussi à toute forme de hiérarchie telle que celle qui est exercée par l'armée. Et puis ça s'oppose à un certain nombre d'aspects tels que les ventes d'armes ou d'autres problèmes. Le GARM a également traité, par exemple, des accidents à l'armée, a fait part des contestations qui existaient dans les casernes. À l'intérieur des casernes. À l'intérieur des casernes. Donc, il y avait des manifestations qui ont eu lieu à l'intérieur des casernes, ou même des soldats qui ont défilé dans les rues, alors que c'était évidemment complètement interdit. Contre des punitions, par exemple, qu'ils subissaient, ou des... Oui, et puis pour obtenir des droits syndicaux, par exemple, dans les casernes, ce qui n'était évidemment pas du tout autorisé. Et donc, il y avait également, donc je parle notamment d'une manifestation qui a eu lieu à Draguignan, où il y avait beaucoup de soldats qui venaient des territoires et départements d'outre-mer et qui étaient victimes du racisme, de la hiérarchie militaire. Et donc, c'était un des motifs également de cette manifestation. D'accord, oui. Alors, est-ce que... moi, je vois... vous en parlez dans le livre, c'est ça, hein ? Oui, bien sûr, oui. Je me demande si c'est pas page 161. Ouais. Je n'ai pas le numéro des pages en tête. Non, moi, j'avais pris un peu des notes. Oui. Non, c'est pas là. Alors là, je suis sur la dictature au Chili. Il y avait eu un autre mode d'action qui était de publier ou d'inciter au boycott d'une certaine entreprise, de l'entreprise ITT. Oui, donc il s'agissait l'entreprise américaine ITT, donc qui avait beaucoup de filiales en France. Et donc la société ITT a financé le coup d'État de Pinochet au Chili. Et donc le GARM a incité au boycott des produits commercialisés par les filiales d'ITT en France. Oui, donc ça faisait aussi partie d'un des moyens d'action. Alors... pour résumer, on avait tu pourrais rajouter des choses. Il y avait on n'a pas parlé du Mont-Verdun. Alors, je sais pas si on a déjà parlé dans d'autres émissions. Je sais pas si tu veux que j'y revienne. Ah ben oui avec plaisir. Ouais, si t'as d'ailleurs je peux le dire. J'imagine que c'est là qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés au cours de la manifestation récente. Donc voilà. Là, on ne parle plus à l'histoire ancienne, mais il y a un peu plus d'un mois, effectivement. Donc une manifestation s'est étalée de Lyon au Mont-Verdun à la fin du mois de septembre. Et elle faisait écho à d'autres, à différentes actions qui ont eu lieu il y a 50 ans. Effectivement. Effectivement, donc le groupe d'action de résistance à la militarisation s'est introduit clandestinement à l'intérieur du Mont-Verdun. Alors le Mont-Verdun, qu'est-ce que c'est ? C'était à l'époque, c'était un centre de commandement nucléaire, donc qui était destiné à remplacer le poste de commandement militaire nucléaire de Taverny. Donc, qui est dans la région parisienne. En cas de défaillance de ce poste de commandement, le Mont-Verdun aurait pris le relais. Donc, il y a un groupe de militants qui s'est introduit clandestinement à l'intérieur des souterrains du Mont-Verdun. Et les militants se sont installés au poste de commandement, qui était en construction à l'époque. Et ils ont attendu de se faire arrêter pour pouvoir ensuite faire savoir que ce poste était en construction, parce que c'était généralement ignoré, même dans la région lyonnaise, on ne savait pas, pour la plupart des gens ignoraient donc quel était l'usage qui serait fait et quel danger cela représentait, parce que notre slogan c'était ni Pentagone ni Hiroshima. Ni Pentagone ni Hiroshima, exactement. Donc c'est-à-dire on ne voulait pas être un poste de commandement nucléaire, mais on ne voulait pas non plus être bombardé parce que le poste de commandement nucléaire était à proximité de Lyon. Et oui, donc c'est la double menace en quelque sorte qui pèse sur Lyon depuis les années 70, quoi. Voilà. Donc un des militants qui s'était introduit est sorti du Mont Verdun avec des photographies qu'il avait réalisées pour les montrer à la presse, et ça a eu un grand retentissement. Et un an après, jour pour jour, on a reproduit cette intrusion. Alors que le camp était terminé et le chantier était terminé. Le chantier était toujours en cours. Ah oui. Était toujours en cours parce que c'est quand même un chantier important. Et on avait obtenu un laissez-passer d'un ouvrier qui travaillait sur le chantier. Et donc ce laissez-passer a été dupliqué et trafiqué pour qu'il soit utilisé par les quelques militants qui se sont introduits à l'intérieur du Mont Verdun. Donc ça, c'était vraiment le coup d'éclat le plus spectaculaire qu'on a fait. Mais bon, on a multiplié les actions, que ce soit de soutien au Larzac, que ce soit d'opposition aux ventes d'armes, et bien d'autres actions, par exemple, y compris de soutien des objecteurs étrangers, comme Pepe Beunza, qui est un objecteur espagnol. Mm-hmm. Et donc il y a eu une marche qui est partie de Genève jusqu'à la frontière espagnole, en passant par Lyon. Et donc le groupe a soutenu cette manifestation et donc, en faveur donc de statut d'objecteur de conscience en Espagne. Donc il faut se rappeler que c'était à l'époque de Franco. De Franco, ouais. Donc on n'avait aucune liberté en Espagne, et évidemment qu'il y en avait encore moins pour les objecteurs de conscience. Qui étaient beaucoup emprisonnés. Bah oui, du coup, ça fait un énorme panel d'actions pour ce groupe qui ne s'est pas éteint, puisque alors à la fin du livre, enfin peut-être que le groupe en lui-même s'est éteint, mais en tout cas les militants ont continué de faire des choses. D'une part, on peut lire qu'il y a quelque chose qui s'est appelé l'Observatoire des armements. Oui, qui s'appelle toujours comme l'Observatoire des armements, oui, effectivement. Donc qui est toujours actif depuis 1984. Donc il a vraiment pris la suite du groupe d'action de résistance à la militarisation. Donc il s'agit d'un centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits, qui est ouvert à tout qui veut, au grand public, mais en particulier aux journalistes ou aux chercheurs. Puisque l'Observatoire des armements dispose de milliers de livres sur les thèmes donc de la paix et des conflits, plus un grand nombre de revues, des coupures de presse, etc. Et donc c'est accessible pour la documentation. Voilà. Et nous organisons, à l'Observatoire des armements, nous organisons des débats, des différents types d'activités autour des thèmes qui étaient déjà traités précédemment par le GARM, mais de manière un peu moins spectaculaire, mais peut-être plus efficace, parce que nous sommes un centre de référence qui est consulté en particulier par la presse, et nous éditons des dossiers qui peuvent avoir, dans certains cas, un retentissement important, oui. Oui. Et toi aussi, à l'intérieur de l'Observatoire des armements, tu fais un travail bien particulier. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Oui, pourquoi pas. Donc moi, actuellement, je m'intéresse à toute l'opposition qui s'exprime en Russie contre l'invasion de l'Ukraine. Donc il s'agit des insoumis, des déserteurs, là également, des objecteurs de conscience, qui s'opposent à la guerre. Et en particulier, les 300 000 personnes qui ont quitté la Russie pour éviter la mobilisation de septembre 2022. Donc ils étaient quand même, très nombreux à fuir le pays, puisque du 21 au 25 septembre 2022, il y a 261 000 Russes qui se sont exilés. Donc là, éviter la mobilisation. Et alors dans une autre interview, tu expliquais que il y avait des astuces du pays russe pour faire en sorte que les personnes prochainement mobilisables n'arriveraient plus à fuir. On leur avait interdit, par exemple, il me semble, les opérations immobilières. Oui, alors ça s'est produit plus tardivement. Donc ça s'est produit, je pense, au début de cette année. Il est plus possible maintenant donc de quitter le pays au risque donc de se voir interdire les opérations immobilières et même de, par exemple, de pouvoir conduire une voiture. Donc c'est-à-dire que ça empêche les gens de financer leur séjour à l'étranger, puisqu'ils ne peuvent plus faire d'opérations immobilières, ils ne peuvent plus vendre leur logement. Et puis bon, s'ils n'ont plus de voiture, ils ne peuvent plus évidemment quitter le pays non plus. Donc c'est une... Il y a beaucoup de lois qui sont très répressives en Russie. Et du coup, il y a aussi du soutien qui s'organise envers ces personnes qui désertent, qui ne se soumettent pas ou qui désobéissent. Oui, il y a beaucoup d'organisations qui défendent les réfractaires. Donc il y a par exemple un groupe qui s'appelle Résistance Féministe Anti-Guerre. Donc, comme son nom l'indique, c'est constitué essentiellement de femmes. Donc, de féministes qui s'opposent au patriarcat, à l'autoritarisme et au militarisme. Et donc, ces femmes font des manifestations. Par exemple, elles s'habillent en noir et en portant des roses blanches, ce qui est quand même relativement discret pour un pays comme le nôtre. Mais en Russie, ça peut être le signe d'une opposition au pouvoir et ça peut être réprimé. Mais donc ce groupe également propose la non-collaboration avec le pouvoir, le sabotage administratif. Il publie un journal qui s'appelle La Vérité des Femmes, qui est destiné non pas aux personnes les plus jeunes, mais au contraire aux personnes les plus âgées, parce que souvent ce sont elles qui sont le moins bien informées de la réalité de la guerre, parce que les personnes âgées ont tendance à n'écouter que la télévision officielle, l'État, qui diffuse de la propagande. Donc là, elle diffuse dans les boîtes à lettres directement un journal, donc La Vérité des Femmes. Et j'avais entendu aussi qu'il y avait un soutien financier qui pouvait être apporté aux personnes qui désertaient. Alors peut-être que je mélange peut-être avec la Biélorussie, je me rappelle plus. Non, ça existe dans les deux pays. Ouais. Parce qu'effectivement, en Biélorussie également, il y a donc des manifestations qui se tiennent contre le pouvoir et également contre la guerre russe, parce que le président Loukachenko est très solidaire de Poutine, et si Poutine tombe, si son régime tombe, il est vraisemblable que Loukachenko tombe également de la même façon. Mm-hmm. Donc il y a une solidarité de l'opposition biélorusse avec l'opposition russe elle-même. Et donc effectivement, il y a des groupes qui soutiennent financièrement, mais également juridiquement, psychologiquement, les soldats qui désertent ou qui fuient la Russie. Il y a également, par exemple, un groupe qui s'appelle Agora, qui est constitué de plus de 50 avocats et qui défendent les droits de l'homme. Il y a un autre groupe... À l'intérieur de la Russie. Oui, on parle de la Russie. Oui. Donc, okay. Donc, c'est des avocats qui sont constitués en un groupe de défense des droits de l'homme. Il y a un autre groupe de juristes qui s'appelle Appel à la conscience. Il y a un groupe qui s'appelle Chrétiens contre la guerre. Ok, et tout ça, j'imagine qu'on peut le lire dans tes rubriques, on peut sur le site de l'Observatoire de l'armement. Oui, c'est ça. Donc, je publie régulièrement des articles sur le site de l'Observatoire des armements. Donc, c'est simplement OBSARMINFO, OBS comme observatoire, ARM sans le E, OBSARM.info. Et si on va dans thématique, donc à l'onglet thématique, et on descend jusqu'à résistance, et là on peut apercevoir les 8 parties déjà, les 8 parties des réfractaires depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc c'est 8 articles qui recoupent d'autres articles de presse où tu compiles un peu tout ce qu'il peut y avoir comme action contre la guerre, quoi. C'est ça, oui. Donc je consulte la presse, notamment la presse internationale, et plus précisément la presse d'opposition russe, donc c'est-à-dire des journaux comme Novaya Gazeta ou Medusa ou OVD Info, donc qui sont des journaux d'opposition. Des journaux d'opposition qui travaillent évidemment depuis l'étranger, puisque maintenant ils sont complètement réprimés dans leur propre pays. Mais donc ils continuent à travailler de l'étranger, donc que ce soit par exemple de l'Estonie, de la Lituanie, de la Géorgie. Et donc, voilà. Donc il y a beaucoup d'opposition qui s'exprime à travers ces journaux-là. OVD Info est un site qui répertorie toutes les répressions. Donc, il comptabilise régulièrement le nombre de personnes qui s'opposent à l'armée, à la guerre, et qui sont réprimées par le pouvoir. Dans une émission précédente, on avait parlé de Alexandra Skochilenko qui est en détention provisoire là depuis plus d'un an maintenant. Oui, donc elle avait remplacé des étiquettes de magasins par des petits slogans contre la guerre. Et donc pour cette seule raison, elle a été emprisonnée, et donc ça fait longtemps qu'elle est en prison. Elle risque 10 ans de prison et son procès est en cours depuis plus d'un an maintenant. Il tire les procès en longueur. Donc effectivement, elle court un risque important. Et bon, elle n'est pas la seule à être réprimée de manière importante. Par exemple, Vladimir Karamurza, qui a été condamné à 25 ans de prison pour ce qu'on appelle la haute trahison. Alors, haute trahison, c'est complètement bénin. C'est des protestations qui seraient complètement bénignes ailleurs. D'accord. Mais donc, on risque gros. Je donne un autre exemple. Il y a un dénommé Vladimir Roumantsiev qui a créé une radio. Mais c'est une radio bricolée. Elle a 2 kilomètres de portée. Ah oui. Les autorités judiciaires n'ont pas trouvé qui que ce soit qui ait entendu les émissions de cette radio. Donc, c'est-à-dire que lui, il émettait, mais sans trop se soucier de faire la publicité de sa radio. Et malgré ça, comme il a protesté contre la guerre, eh bien, il a été condamné à 3 ans de colonie pénitentiaire. Ah oui, ouais, c'est, du coup, c'est quelque chose. Peut-être que en France, en tout cas, on peut en profiter de pas risquer 3 ans de colonie pénitentiaire lorsqu'on critique, par exemple, les ventes d'armes ou tout ça. Mais c'est quelque chose qui fait froid dans le dos quand même quand on veut s'opposer aux pratiques de son pays. Oui, mais prenons un autre exemple. Il y a une fillette de 12 ans qui, à l'école, a dessiné une mère et son enfant bombardés par la Russie. Et elle a dessiné un drapeau ukrainien en écrivant « Gloire à l'Ukraine ». Eh bien, aussitôt, l'institutrice est allée chez sa directrice, qui est allée prévenir la police. La police est arrivée dans l'école pour intervenir contre la fillette. Le père a été incarcéré et alors qu'il était père au foyer, donc père célibataire, donc il n'avait pas de femme pour s'occuper de la fille. Elle a été placée dans un orphelinat. Et le père, donc, finalement, il s'est enfui en Biélorussie. Mais comme la Biélorussie est complice de la Russie, eh bien, il a été extradé pour être ensuite emprisonné. Ah oui, donc là, on voit que même un enfant peut donc subir la vengeance russe s'il exprime une opposition à la guerre en Ukraine. Et là, le point de départ, c'était une dénonciation, finalement. Une dénonciation, mais le pire, c'est que c'est par les institutrices et la directrice de son école. Et oui, oui. Donc ils connaissaient bien l'enfant et qui savaient ce qu'elle risquait, quoi, de passer du temps dans un orphelinat le temps que son père soit libéré, quoi. Oui, mais c'est, puis bon, il faut imaginer le traumatisme que ça représente pour un enfant, cette situation-là. Être privé de sa famille parce qu'on a fait un dessin. Ah oui, c'est clair. Ouais. Et bah alors, si on a un petit peu dépassé l'heure. Oui, je suis trop bavard, oui. Non, mais c'est bien. En plus, on avait prévu un quatrième thème qui était féminisme et antimilitarisme. Mais peut-être ce sera pour une prochaine fois. Voilà, mais j'ai quand même signalé au passage le groupe Résistance féministe anti-guerre. Voilà. Oui. Mais bon, au GARM, il y avait également beaucoup de femmes qui participaient. Mais bon, on en reparlera peut-être une autre fois. Ça marche. Et ben alors, avant de rendre l'antenne, je vais juste annoncer qu'il y a une soirée. Je lis un tract. C'est une soirée qui s'appelle Résister aux guerres. Échange autour de la fabrication des guerres et de perspectives de lutte, le mercredi 8 novembre, donc c'est mercredi prochain, à 20h, à l'Amicale Laïque du Crédroc, 16 rue Royer à Saint-Étienne, voilà. Et donc j'imagine qu'on parlera embrigadement de la jeunesse, militarisation de la société, industrie de l'armement et ennemis intérieurs. Voilà, on parlera de tout ça le mercredi 8 novembre à 20h à l'Amicale Laïque du Crédroc, au 16 rue Royer à Saint-Étienne. Merci Guy pour un petit défrichage de ce bouquin. Je rappelle le titre du bouquin, ça s'appelle « Résister à la militarisation, le groupe d'action et de résistance à la militarisation, Lyon 1967 jusqu'en 1984 ». Aux éditions de l'Atelier de création libertaire. On va se quitter. Oui, on peut le commander à l'Observatoire des armements. Ok, et l'Observatoire des armements, c'est. On peut le commander sur le site, tu veux dire ? On peut le commander sur le site, oui. Oui. Et il y a un autre livre, je crois, qu'on peut commander sur le site. C'est moi qui en suis le seul auteur, celui-là. Donc, ça s'appelle Un siècle d'antimilitarisme révolutionnaire. Donc c'est un livre historique qui retrace donc l'antimilitarisme révolutionnaire depuis 1849 jusqu'à 1939. Ok, d'accord. Celui-là, je l'ai pas encore lu, mais ça peut être un autre conseil de lecture.